Le 12e championnat national de basketball des travailleurs agricoles a eu lieu à Pyongyang du 5 au 9 septembre à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée.